France Musique. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here. Venez. This is the proper. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Bonjour à tous. La 42e rue de France Musique pose durant un mois ses micros à Broadway, la Mecque de la comédie musicale, à la rencontre de ceux qui ont fait événement cette saison. Et lui en a deux comédies musicales à l'affiche actuellement. C'est un grand de l'âge d'or des comédies musicales, on peut le dire. Il a côtoyé Jerome Robbins, Richard Rodgers, Yip Harburg, l'auteur du Magicien d'Oz. On lui doit quelques-uns des grands classiques de Broadway. À commencer par Un violon sur le toit, dont il écrit les paroles en 1964. Il a aussi travaillé avec Michel Legrand, adapté en anglais Les Parapluies de Cherbourg. Et à 92 ans, il recevra le 12 juin prochain un Tony Award d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Et il nous reçoit chez lui, à New York, pas loin de Central Park. Bonjour, Sheldon Harnick. Bonjour, monsieur Laurent. How are you? Je suis fine. Ça fait quoi de recevoir autant de prix, dont ce Tony Award, pour l'ensemble de votre carrière? At my age, I was 92 last week. Eh bien, à mon âge, je viens d'avoir 92 ans et c'est génial d'être reconnu et d'avoir tous ces prix. Parce que, au cours de ma carrière, j'ai quand même connu beaucoup d'échecs, beaucoup de déceptions. Et à mon âge, c'est chouette d'être récompensé pour tout le travail que j'ai accompli. To our agreement, to our prosperity. To good health and happiness, and most important, to life, lechaim, lechaim, lechaim, to life. Here's to the father I've tried to be, here's to my bride-to-be. Drink lechaim, to life, lechaim, lechaim, lechaim, to life. Life has a way of confusing us, blessing and bruising us. Drink lechaim, to life. God would like us to be joyful, even when our hearts lie panting on the floor. How much more can we be joyful when there's really something to be joyful for? To life, lechaim. To title my daughter, my wife. It gives you something to think about, something to drink about. Drink lechaim, to life. Vodka. Yes, Liza Wolf. Drinks for everybody. Oh! What's the occasion? I'm taking myself a bride. Ooh. Tevye's eldest, Seidel. Oh! Liza Wolf. To Tevye. To Seidel, your daughter. My wife. May all your futures be pleasant ones, not like our present ones. Drink L'chaim to life. We'll raise a glass and sip a drop of schnapps. Le tout nouvel enregistrement du violon sur le toit, comme si vous étiez à Broadway avec dans le rôle de Thévier le laitier, Danny Bernstein, nommé parmi les meilleurs acteurs de comédie musicale de la saison au Tony Award, et une chorégraphie de Jérôme Robbins savamment mise au goût du jour par le chorégraphe israélien Ofech Schechter. Une comédie musicale, un violon sur le toit, composée en 64 par Jerry Bock et avec des paroles écrites par notre invité Sheldon Harnick. Comment est né un violon sur le toit ? Il y a des années, au début des années 60, quelqu'un, dont j'ai oublié le nom, m'a envoyé un roman. Un roman de Shalom Aleichem, un gros roman qui s'appelait Wandering Stars, un merveilleux roman. Je l'ai donné à Jerry Bock, mon compositeur, et je lui ai dit, nous devrions en faire une comédie musicale. Ensuite, on l'a donné à Joe Stein pour qu'il écrive le livret. Joe a lu le roman et a dit « c'est merveilleux, mais c'est trop volumineux, ça ne pourra pas marcher sur scène ». Mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver de cet auteur, Shalom Aleichem? Donc on a lu d'autres œuvres et on a trouvé un recueil de nouvelles qui s'appelait « Les filles de Thévier ». Et on s'est dit « mais voilà, ça, ce serait génial en comédie musicale ». En effet, les personnages étaient très intéressants, les histoires étaient intéressantes, l'écrivain avait un sens de l'humour génial et les histoires étaient particulièrement riches, pleines de pathos, c'était très émouvant. Et puis c'est aussi une histoire de tradition juive, c'est pour cette raison que vous avez choisi cette nouvelle ? Oui, c'était pas délibéré, mais c'était dans la tradition juive. Jerry Bock, Harnick et Joe Stein, nous sommes tous juifs, mais en réalité, on n'y avait pas pensé plus que cela. Et par ailleurs, nous n'avions pas étudier nos propres racines dans le cadre de notre travail. Et c'était une occasion de mêler tout cela ensemble. Donc une belle histoire avec un sens de l'humour et en plus c'était juif. Is this the little girl I carried? Is this the little boy at play? I don't remember growing old. When did they? When did she get to be a beauty? When did he grow to be this tall? Wasn't it yesterday when they were small? Sunrise, sunset, swiftly flow the days. Seedlings turn overnight to sunflowers, blossoming even as we gaze. Sunrise, sunset, swiftly. What words of wisdom can I give them? How can I help to ease their way? Now they must learn from one another, day by day. They look so natural together. Just like two. Is there a canopy in store for me? Sunrise, sunset, swiftly flow the days. Un extrait d'Un violon sur le toit, sa création en 1964 avec Zéro Mostel, dans le rôle du laitier et dans une mise en scène de Jérôme Robbins, une chanson douce, amère, qui se déroule le jour du mariage de la première des filles de Thévier le laitier dans ce petit shtetl d'Ukraine, dans Un violon sur le toit, à la veille de Pogrom, une chanson composée par Jerry Bock et dont les paroles ont été écrites par notre invité Sheldon Harnick, que nous avons rencontré à New York. Sheldon, quelle est votre façon de travailler avec le compositeur Jerry Bock? The way that we worked. I've never worked like this with another On a procédé comme ceci, et je n'ai jamais travaillé de la sorte avec d'autres compositeurs. Une fois que j'avais le récit en main, le compositeur allait en studio et commençait à composer une musique qu'il jugeait appropriée. Et lorsqu'il avait composé 8, 12, 15 morceaux, eh bien, il les enregistrait. Il m'envoyait les enregistrements, et à ce moment-là, il décrivait le récit avec la musique. Il me disait, ça c'est pour Thévier, et ça c'est pour l'une de ses filles. Et parfois j'étais d'accord avec lui, parfois j'étais en désaccord avec lui. Mais la musique venait en premier. Par conséquent, moi j'écrivais les paroles après la musique. Et plus tard, au cours du projet, il me venait une idée, par exemple, idée que je voulais développer sans la musique. Et au bout du compte, eh bien, dans la moitié des cas, la musique venait en premier, et dans l'autre moitié des cas, c'est les paroles qui venaient. On commençait toujours par la musique chronologiquement. Tiens, je vais vous raconter l'histoire d'un morceau. On est allé voir un spectacle des acteurs de l'Union des comédiens hébreux. Donc, nous, on cherchait des acteurs pour jouer dans Un violon sur le toit. Et puis, il y a une mère et une fille qui ont chanté une chanson hassidique. En réalité, elles n'étaient pas formidables comme artistes, ces deux femmes, mais Jerry Bock, lui, était absolument fasciné par la chanson. Du reste, il n'y avait pas de paroles, ce n'était que des syllabes chantées comme ça. Jerry est rentré chez lui et a travaillé toute la nuit là-dessus. Il m'a appelé le lendemain matin en me disant, on va se rencontrer et je vais te jouer quelque chose. Je l'ai rencontré et il m'a joué cette musique. Et je me suis dit, mais c'est un morceau délicieux, ça. Et je me suis dit, cette musique correspondrait à pas mal d'histoires, notamment parce que le personnage principal, Thévier, voudrait être riche. Et souvent, il dit, si j'étais un Rothschild. Mais je me suis dit, Rothschild, c'est trop précis. Si j'étais un homme riche. Et c'est ainsi que le morceau a été créé. Et Jerry Bock, qui a écrit la musique, a dit, eh ben, tu sais ce qui serait chouette, c'est si on ne mettait pas de paroles pour chaque note. Et je me suis dit, mais oui, c'est une bonne idée, on va sauter une note de temps en temps. Et moi, de toute façon, je ne savais pas écrire les syllabes acidiques. Donc j'ai écrit ça. Et parfois, les gens qui chantent comme ça, mais la plupart des gens qui ont participé aux violons sur le toit savent que je voulais dire quelque chose d'autre. Pas ça. Donc ils font tout un tas de trucs différents sur ces notes. If I were a rich man, diddle diddle diddle digga digga diddle diddle dum. All day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard. Diddle diddle diddle digga digga diddle diddle dum. If I were a biddy biddy rich digga digga diddle diddle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There would be one long staircase just going up and one even longer coming down. And one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. and each loud pecook and whack and gobble and honk will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. Aye. If I were a rich man, da-da-dee-da-da-digga-digga-dee-da-da-dum, all day long I'd biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard, da-da-dee-da-da-digga-digga-dee-da-da-dum. If I were a biddy-biddy-rich, digga-digga-deedle-deedle-man, I see my wife, my Golda, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oi, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important men in town will come to fawn on me. They will ask me to advise them, like a Solomon the Wise. If you please, Reptavia, pardon me, Reptavia, posing problems that would cross a rabbi's eyes. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I lack to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall. And I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day. That would be the sweetest thing of all. Aye. If I were a rich man, diddle diddle diddle digga digga diddle diddle dum, all day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard, diddle diddle diddle digga digga diddle diddle dum. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan? If I were a wealthy man. Il a une bonne voix aussi lorsqu'il chante Sheldon Harnick, sa propre chanson. If I Were a Rich Man, c'est extrait d'un très bel album concert de Kate Baldwin. Tout un concert autour des chansons de Sheldon Harnick intitulé She Loves Me. Au piano, il y avait Scott Caddy et à la clarinette, Andrew Sterman. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. On est avec Sheldon Harnick, le parolier de Un violon sur le toit, de Ah si j'étais riche, que nous avons rencontré à New York, chez lui, tout près de Central Park. Sheldon Harnick, Si j'étais riche, n'est pas le premier monologue que vous aviez imaginé pour le personnage principal de Un violon sur le toit, Thévier le laitier. Pourquoi vous avez jeté à la poubelle le premier monologue auquel vous aviez pensé, What a Life? Oui, un des premiers morceaux, c'est un morceau que Thévier chante à son cheval. Il rentre chez lui pour fêter le sabbat et son cheval refuse d'avancer. Donc il crie, il se plaint de son cheval. Lorsqu'on a embauché Jerome Robbins, eh bien, il a dit, j'adore le morceau, mais il n'est pas question de mettre un cheval sur scène, hein, c'est dangereux, on ne sait jamais ce que peut faire un cheval sur scène. Et puis en plus, il peut y avoir du crottin de cheval, bref, donc on n'a pas utilisé le morceau. Et du reste, après, on savait qu'il nous fallait un autre morceau pour Thévier. Et on lui a écrit, ah, si j'étais riche. March, move, giddy up. What a life, what a day, what a horse I've got. May you choke on your oats and your bones all rot. You're a mule, you're an ox. If you think that you're a horse, you're not. So you work like a horse? Well, of course you do. Don't I work like a horse even more than you? But do I make a scene or complain about the life I've got? All my enemies should live like me, with the miserable hours I keep, getting up every morning while God himself is fast asleep. What a life, what a day, what a horse, what a day, what a life. So you'd like to be lazy and fat, of course. Well, it's your rotten luck to be Tevye's horse, and it's God who decides how a life is gonna be, whether you and I agree or not. Giddy up, move along. What a horse, what a day, what a life. You could live, you could die, and the rich won't care. Not as long as you're there when they want you there. Not as long as you're there with the butter and the milk and cheese. Running here, running there, running each which way. So we'll have something nice for the Sabbath day. When it comes, I'll be here spending Sabbath with a clump of trees. Who has ever heard of luck like mine? See the happiness a day can bring. It's the one day a week I can say that I'm a king. I'm a king, some king. What a king, what a life, what a day, what a horse, what a life. Don't I try to obey your commandments, Lord? All I ask in return is a small reward. Who can bargain with God when the universe is his? And if that's the way it is, that's life. There will be a short monologue at this point, and then Tevye returns to the song. What is life but a kind of a juggler's trick? When my wife is all right, then my cows get sick. When my cows are all right, then my daughters all begin to sneeze. Every day I've been blessed with a new gray hair, but I won't say my daughters have put them there. You could look far and wide for a family of girls like these. Are they beautiful and smart? Don't ask. Every one of them a pearl, a rose. Maybe God has made a plan where I'll have a little luck with them. God knows, maybe so, maybe not. I don't know, but I know what I've got. God of Moses, who once made the Red Sea part. Lord of hosts, who put fear into Pharaoh's heart. King of kings, who can pass any miracle at all. Get this animal to haul me home. Une chanson inédite d'un violon sur le toit, c'est ce qu'on appelle une maquette, une chanson interprétée avant la création par les auteurs Jerry Bock, Sheldon Harnick. What a Life, une chanson qui finalement n'a pas été conservée à la création du spectacle à Broadway, et une chanson qu'on retrouve donc sous forme de maquette dans le double CD qui est sorti, qui s'intitule Les Trésors Cachés de Sheldon Harnick, publié par Harbinger Records. What a Life, d'ailleurs, c'est pas la seule chanson inédite qu'on va découvrir ce matin d'un violon sur le toit. Il y en a une autre qui a été coupée lors de la production à Broadway. Elle s'intitulait Dear Sweet Sewing Machine, en français Chère et tendre machine à coudre. On la découvre dans le tout nouvel enregistrement 2016 de Un violon sur le toit. Sheldon Harnick, vous pouvez nous parler de cette chanson ? In the show, one of the leading characters, l'un des personnages principaux, Motel, le tailleur, veut absolument acheter une machine à coudre, mais il n'a pas l'argent. Finalement, il arrive à rassembler l'argent, il s'achète la machine à coudre, et sa femme et lui chantent une sérénade, tant ils sont heureux d'avoir cette machine à coudre. C'est l'un des morceaux qui a le mieux marché lorsque nous essayons de lever des fonds. À Détroit, pendant les rodages, on s'attendait à ce que, lorsque le tailleur et son épouse chantent le morceau, les gens se mettent à applaudir. Mais au lieu de cela, les gens n'ont pas du tout applaudi, on n'y croyait pas. Donc on est allé voir le chef d'orchestre et on a dit, peut-être que l'orchestre joue trop fort, les gens n'entendent pas les paroles, et puis il faudrait jouer un petit peu plus lentement, et puis moins fort. Le soir suivant, l'orchestre a joué moins fort et plus doucement, et même réaction, pas d'applaudissements. Et on a essayé de comprendre pourquoi le morceau ne marchait pas. Et enfin, notre directeur nous a dit pourquoi. C'est pour la raison suivante. À la fin du premier acte, dans le violon sur le toit, le tailleur et sa femme donc se marient. Et dans une certaine mesure, c'est la fin de leur histoire, ça. Les gens ne s'intéressent plus à ce couple-là. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les autres filles. Il y a deux autres filles qui ont des histoires à raconter. Donc le public ne voulait pas entendre le tailleur et sa femme chanter. Le public voulait passer à autre chose. Donc le fait d'avoir ce grand morceau, ça nous a déçus parce qu'il n'a pas marché. Et donc on l'a supprimé. Sweet sewing machine, I will promise to love, honor, and keep you polished and clean. Oil, grease, all you can eat if you will turn my satin and silk into sugar and salt, butter and milk, and maybe a toy. A baby should have a toy. You have suffered neglect, unloved, maybe before, not anymore. We need you if we're to make bold. Do you know what you are, dear sweet sewing machine? You'll come to me, our old samovar, pots, pans, blankets and sheets, cabbage and beets, corn, raisins and dates, plum, pears, pitchers and plates, tables and chairs, and farther away, a room of our own someday. What if your second hand scratched, worn, you're still the best we've ever seen? So welcome, sewing machine, to our home. Dear sweet sewing machine, chère et tendre machine à coudre, une chanson inédite de Un violon sur le toit, enregistrée dans le tout nouvel enregistrement du spectacle par Adam Cantor et Alexandra Silber, une chanson composée par Jerry Bock et notre invité Sheldon Harnick. Sheldon, j'aimerais revenir avec vous au début de votre carrière. Vous êtes né à Chicago en 1924. Vous débutez à la fois comme compositeur et parolier, et vous débutez à Broadway en glissant quelques chansons dans des revues. Moi, je suis arrivé à New York en 1950 et il y avait encore des revues. Et la première chanson, c'était New Faces of 1952. C'était donc une revue, ma première revue. Et moi, j'avais un morceau qui s'appelait The Boston Begin, la Begin de Boston. Et mes trois ou quatre premiers spectacles, c'était des revues. Mais j'avais vraiment hâte d'écrire une véritable comédie musicale avec un livret, avec des personnages. Et étant donné que j'avais pas mal réussi, j'ai quand même eu enfin la possibilité de le faire. J'ai rencontré Jerry Bock et notre éditeur, Tommy Vilando, a réussi à nous faire écrire une comédie musicale pour Broadway. Et le titre devait en être The Body Beautiful. The Body Beautiful, ça semble être l'histoire d'une fille en maillot de bain, mais en réalité, il s'agit de boxeurs, d'hommes qui ont des corps magnifiques, des gens très athlétiques. Malheureusement, le concept du spectacle était un petit peu faiblard et ça n'a pas marché. La production était bien, très élégante, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, pour moi, ça a été quelque chose de très important, et je vais vous dire pourquoi. Et j'ai découvert cela l'année dernière, du reste. Le spectacle n'avait pas encore démarré, on était en rodage, et il y avait, assistant à ces rodages, un certain Stephen Sondheim. Il a vu le spectacle, il ne l'a pas beaucoup apprécié, mais il avait bien aimé ce que nous avions écrit, Jerry Bock et moi. Donc il a appelé son ami, un certain Harold Prince. Il lui dit, Hal, il faut que tu vois ce spectacle. C'est des jeunes qui ont fait ça, ça va t'intéresser. Et puis, le soir de la première, il y a eu une fête au restaurant Sardis, après le spectacle. Et là, il y avait des gens que l'on voit habituellement dans les premières. Et la première critique est arrivée dans le New York Times. C'était pas une bonne critique. Et la moitié des gens ont quitté le restaurant. Puis est arrivée la deuxième critique, également mauvaise. L'autre moitié des gens est partie. Donc Jerry Buck, son épouse et moi, on s'est retrouvés seuls dans ce restaurant. Puis les gens qui ont fait les décors sont arrivés. Et puis il y avait quelqu'un à leur côté. Et ils ont dit, Sheldon, Jerry, on vous présente Harold Prince. Donc on a rencontré Hal et Hal a dit, je ne peux pas vous dire que j'ai apprécié le spectacle, mais ce que j'ai aimé, c'est ce que vous avez écrit. Et on va travailler ensemble d'ici la fin de l'année. Et en effet, il nous avait embauchés pour travailler sur un autre spectacle, Fiorello, couronné de succès. Et là, c'était le début de ma carrière. I could run to his arms, but it never, oh never, oh never would last. To give in, to give in, to give in to his charms would be courting disaster. Lightning struck, oh what a feeling. That's when the ceiling fell from above. Just my luck that I'm still in love. I could run, I could run, I could run to his arms, but it never, oh never, oh never would last. To give in, to give in, to give in to his charms would be courting disaster. Lightning struck. Just My Luck, Mindy Carson en 1958, un extrait de la première comédie musicale à Broadway de Jerry Buck et Sheldon Harnick, The Body Beautiful. Le spectacle suivant de Jerry Buck et Sheldon Harnick sera donc produit par Harold Prince et les fera entrer dans la cour des grands. C'est Fiorello, une biographie romantique et maligne du fameux maire de New York, Fiorello LaGuardia. Un spectacle qui, entre autres, remportera le très couru prix Pulitzer. Et puis viendra en 63, She Loves Me, c'est l'adaptation en comédie musicale d'un film de Lou Beach, The Little Shop Around the Corner, avec James Stewart. En français, le film s'intitulait Rendez-vous. Il y a eu un remake tout récemment avec Tom Hanks qui s'intitule Vous avez un message. Alors pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire d'employés d'une parfumerie qui s'écrivent des lettres d'amour par correspondance sans savoir qu'ils travaillent dans le même magasin. Et Sheldon Harnick, vous avez donc écrit les paroles des chansons de cette comédie musicale. Alors, racontez-nous un petit peu votre métier. Quel genre de paroles, par exemple, écrire pour les différents personnages de cette comédie musicale ? Moi, quand je travaille sur une comédie musicale, je dépends entièrement du librettiste. Je ne veux pas me lancer dans les paroles avant de voir des scènes. Je dois comprendre comment parlent les personnages. Je dois d'abord comprendre ce que pense le librettiste des personnages. Quel est leur vocabulaire? Est-ce que ce sont des gens qui ont fait des études? Sont-ils éduqués? Oui, non. Est-ce qu'ils ont tendance à utiliser de l'argot? Est-ce qu'ils parlent de façon plus châtiée? Tout ça, c'est le librettiste qui prend les décisions, c'est pas moi. Alors racontez-nous par exemple l'histoire d'une chanson absolument invraisemblable qui s'appelle « Vanilla Ice Cream », une chanson très farfelue qui est interprétée au deuxième acte par l'héroïne. Our book writer, Je ne sais pas très bien comment ça se passe dans le film, mais dans notre spectacle à nous, le personnage découvre que la jeune fille à qui il écrit travaille dans le même magasin. Et elle ne sait pas qu'il le sait. Il y a une scène dans un cabaret et elle pense que l'homme avec qui elle correspond va arriver ce soir-là. Bon. Et en réalité, il n'arrive pas. Donc elle est très très déçue. C'est difficile à comprendre si on n'explique pas les tenants et les aboutissants du spectacle. Bref, elle est déçue, elle rentre chez elle et le lendemain, elle tombe malade. Et le héros, lui, est vraiment navré de ce qu'il a fait. Il sait que c'est sa faute, le fait qu'elle soit malade. Il lui rend visite et il lui apporte de la glace à la vanille. Alors, je ne sais pas si c'est dans le film ou pas, ça. Bref, il lui donne la glace à la vanille et il y a cette scène. Et c'est la première fois que ces deux employés participent à une scène où ils commencent vraiment à se correspondre autrement que par lettre. Et après son départ, elle se dit qu'elle devrait écrire. Elle ne sait toujours pas que l'homme avec qui elle travaille, c'est l'homme à qui elle écrit. Hein. Donc elle s'assoit à son bureau pour écrire. Encore une fois, ils utilisent des pseudonymes, ou plutôt ils s'appellent « cher ami ». Bref, elle écrit sa lettre, « cher ami », elle raconte ce qui s'est passé la veille au soir. Et à mesure qu'elle écrit, elle se dit « mais c'est bizarre, cet employé avec qui je discute, il m'a apporté de la glace à la vanille. C'était sympa de sa part, c'était gentil. » Et je me suis dit que cette situation où elle écrit la lettre, puis elle se rend compte que lui, il a été gentil en lui apportant de la glace à la vanille, et bien voilà le départ d'une chanson. Mais je savais que ce serait une chanson étrange. Et quand, une fois que je l'ai eu terminé, Jerry Bock a fait la musique de telle sorte que ça semblerait être parlé. Mais il y a quand même un ressort dramatique, il y a de l'humour aussi dedans. Et à la fin, Jerry Bock, sachant que l'héroïne était soprane, pratiquement quelqu'un chanterait à l'opéra, lui a donné une fin d'opéra. C'est le genre de duo d'opéra où il y a la soprane qui chante et termine sur une note très haute. Jerry Bock a composé la musique de telle sorte que c'était un véritable triomphe tous les soirs. Dear friend, I am so sorry about last night. It was a nightmare in every way, but together you and I will laugh at last night someday. Ice cream, he brought me ice cream, vanilla ice cream, imagine that. We were together without a spat. Friendly, he was so friendly. That isn't like him, I'm simply stunned. We wonders never cease. It's been the most peculiar day. We wonders never cease. Oh, where was I? I am so sorry about last night. It was a nightmare in every way. But together, you and I will laugh at last night someday. I sat there waiting in that cafe and never guessing that you were fat. Ooh. That you were near. You were outside looking bald. Oh, no. Dear friend, I am so sorry about last night. Last night, I was so nasty. Well, he deserved it, but even so, that judge is not like this judge. This is a new judge that I don't know. Mr. Hyde, right before my eyes. eyes. A man that I despise has turned into a man I like. It's almost like a dream, and strange as it may seem, he came to offer me. Comme si vous étiez à Broadway au Studio 54, le tout nouvel enregistrement de She Loves Me, avec la troupe actuellement à l'affiche, avec Laura Benanti dans le rôle de l'héroïne. Vanilla Ice Cream, c'est le titre de cette chanson. Parole, Sheldon Harnick. Musique, Jerry Bock. L'album paraîtra le mois prochain. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Sheldon Harnick, avec qui nous sommes ce matin sur la 42e rue à New York, dans son appartement pas loin de Central Park. Sheldon Harnick qui a composé non seulement avec, qui a travaillé notamment avec Jerry Bock, mais aussi avec d'autres légendes de Broadway. Par exemple, Richard Rodgers, le compositeur de La Mélodie du Bonheur et de Carousel. C'était pour une comédie musicale qui s'intitulait Rex. Sheldon Harnick, quel souvenir vous conservez de cette collaboration ? Working with Jerry Bock kind of spoiled me because bah, j'ai été gâté parce que j'avais travaillé avec Jerry Bock. La moitié du musique était écrite en premier, puis il me donnait ces mélodies formidables. J'écoutais la mélodie et puis je n'avais de cesse que de travailler les paroles. Donc vous avez cité Rex, c'est la relation entre Anne Boleyn et le roi Henri VIII, et donc ça on l'a fait avec Richard Rodgers. Et je savais que c'était un pari, parce que c'était vers la fin de la vie de Richard Rodgers, qui avait été très malade, et je ne savais pas s'il avait encore ce talent magnifique qu'on lui connaissait, mais il l'avait encore. Toutes les mélodies qu'il composait n'étaient pas formidables, mais il y avait quand même quelques pépites. Et malheureusement, en raison de toutes ces maladies, il avait perdu la capacité à d'abord composer la musique. Lorsqu'il travaillait avec Lawrence Hart, le parolier, et lorsqu'il a travaillé avec Hammerstein, dans les deux cas, il a pu faire la musique en premier, comme le fait Jerry Bock avec moi. Donc il savait faire ça avec des mélodies formidables. Mais lorsqu'il a travaillé avec moi, ce n'était plus le cas. Néanmoins, lorsque je lui proposais des paroles, je savais que Richard Rodgers savait composer une mélodie en 15 minutes, mais avec moi, ce n'était plus le cas. Je lui donnais des paroles, il l'étudiait, il fronçait les sourcils, il disait « Pourquoi t'as écrit ça ? Pourquoi t'as écrit ça ?» Je croyais qu'il était en colère, mais en fait, il posait simplement des questions. Et moi, il fallait que je comprenne que c'était sa façon de travailler. Bref, après avoir étudié les paroles, il disait « Bon, je vais voir ce que je peux faire. » Et pas de nouvelles pendant 3 ou 4 jours. Et puis, sa secrétaire m'appelle et dit « Monsieur Rodgers a terminé la composition. » Et il voudrait que vous veniez écouter. Et je dis, ah, chouette, bon, il a fait la musique. Donc je vais le voir dans son bureau et on parle pendant un moment. On bavarde. Et puis il se lève pour aller vers le piano. Et l'une des maladies qu'il avait contractées, c'était en fait un AVC. AVC qui a eu pour conséquence le fait que sa jambe gauche ne fonctionnait plus bien. Bon, bref, il boite pour aller vers le piano, il traînait un petit peu la patte. C'était un triste spectacle. Et par ailleurs, un de ses bras avait été touché par cet accident cérébral. Donc il ne jouait pas du piano comme quand il était jeune. Il s'assoit au piano, il joue la mélodie, et moi j'étais ravi. J'ai entendu ce morceau et j'ai dit, c'est très très beau. Eh bien, jusqu'à ce moment-là, je l'appelais Monsieur Rodgers, très respectueusement. Mais à la fin du morceau, j'ai dit, oh Dick, c'est formidable ce que tu viens de faire. Et je me suis dit, oula, je l'ai appelé Dick. Donc il a souri, il a dit, j'ai joué pour mon épouse, elle a aimé et... Elle a dit, j'espère que Sheldon l'appréciera, et ça a été le début de notre amitié. Puzzled and confused am I, shall I sing my lullaby to Bess or Bessie or Betty or Betsy? or Beth, or Liz, or Lisbeth, or Lizzie, please go to sleep. This is making me dizzy. Fretful Betsy, stubborn Liz, won't admit how tired she is. What a morning this has been. She's the sleepiest baby that e'er I've seen. Lovely Lizzie, bonnie Bess, every inch the proud princess. Like her mama, England's queen, and the prettiest lady that e'er I've seen. Blessed forever be the hour that unveiled this royal flower, born to grace her country's throne, born to reign as England's own, Elizabeth. Ed Evanko dans Rex, la comédie musicale en 1976, signée Richard Rodgers par la musique, pour la musique, et Sheldon Harnick pour les paroles. Sheldon Harnick, vous avez aussi beaucoup travaillé avec un Français, Michel Legrand. Je crois que tout a commencé avec l'adaptation en anglais des Parapluies de Cherbourg. Qu'est-ce qui s'est passé après ? C'était très chouette ce projet. Et je me suis dit, maintenant on va travailler avec Michel Legrand. Et ce ne sera pas une traduction comme c'était le cas pour les Parapluies de Cherbourg. Et on a voulu faire quelque chose d'original. Et j'ai demandé à Michel Legrand s'il connaissait un conte de Noël de Dickens. Il dit, c'est pas très connu en France, mais il a lu cette histoire de Dickens, il a aimé, on en a fait une adaptation. Et c'est la première chose sur laquelle on a collaboré. Et il y a eu plusieurs productions qui ont été faites. Il y a un ami à moi qui l'a fait tout seul sur scène. C'est formidable. Alors quand vous travaillez avec Michel Legrand, il écrit la musique en premier ou c'est vous qui écrivez les paroles en premier ? Ah, ce serait génial si Michel me donnait de la musique. Mais il paraît que lorsqu'il travaille avec les Bergman, les paroliers en Californie, eh bien, il leur donne la musique. Malheureusement, il n'a pas pu, il n'a pas voulu me donner à moi de la musique. Il m'en a donné un peu. Mais c'est moi qui lui ai donné pas mal de paroles pour qu'il travaille les mélodies. Malheureusement, lorsqu'il travaille sur des paroles en anglais, parfois, il utilise la prononciation française de l'anglais. Donc, les accents toniques sont mal placés. Par exemple, prenez le mot « romantique ». Alors que l'accent tonique doit être sur la deuxième syllabe en anglais, alors que lui, il la met sur la première syllabe. Donc moi, il faut que je réécrive pour respecter les accents toniques en anglais. Mais j'adore travailler avec Michel Legrand, parce que c'est un compositeur vraiment merveilleux. Et c'est le maître de la mélodie. We're all of us truly the children of God. We're leaves in one book, we're peas in one pod. We're drops in one river, we're limbs of one tree, created to be one family. With millions of fathers and mothers and sisters and brothers, we're never alone. Each heart and each mind is a part of mankind, for heaven designed one family. One family. One family. We're nevertheless one family. The thoughts we can't always convey with our words, we can say with a clasp of a hand. The sky is one roof and the earth is one floor, one residence for one family. One family. One family. Since everything started with Adam and Eve, the closer I look, the more I perceive. Each person I see is related to me, created to be one family. I marvel at all the relations I have in the nations around the wide world. So when I feel friendless, I simply recall, in truth we are all one family. Peas in one pod, we're drops in one river, we're limbs of one tree, created to be one family. One family. Extrait d'un projet inédit de comédie musicale de Michel Legrand et Sheldon Harnick, inspiré d'un conte de Noël de Charles Dickens. C'était One Family et c'est extrait d'un album intitulé Les trésors cachés de Sheldon Harnick, paru chez Harbinger Records. Ben merci Sheldon Harnick de nous avoir reçus. Merci beaucoup à vous. Et bonne remise de prix dimanche 12 juin au Tony Awards. Thank you very much. My plan is to write my experience. J'ai l'intention d'écrire mon discours de remerciement sous forme de rap, un bref discours en rap. Ça devrait être amusant. Et merci pour la traduction à Xavier Combes. Dans l'actualité des comédies musicales, notez une première demain au 20e Théâtre, 31, une comédie musicale de Gaëtan Borg et Stéphane Laporte, mise en scène par Virginie Lemoine, avec des chansons de Stéphane Corbin, inspirées de son album Les Funambules. Demain, à 20h, ça sera une bonne occasion de retourner au 20e Théâtre, qui a beaucoup fait pour le théâtre musical à Paris, qui fermera malheureusement ses portes à la fin de cette saison. Plus d'infos, la programmation musicale, le podcast, tout est sur francemusique.fr, la page de 42e rue. Et puis il y a aussi notre page Facebook, notre compte Twitter pour échanger et pour des bonus. Enfin bravo à Hervé de Volder et ses fiancés de Loche, Molière 2016 du meilleur spectacle musical. Nous les recevrons pour notre prochain cabaret 42e rue, dimanche 19 juin en direct. Réservation bientôt sur maisondelaradio.fr. Vous étiez à New York sur la 42e rue de France Musique avec Perrine Mingui, Martine Moni, Xavier Atto, Raphaël Bézican, Emmanuel Rose. À la réalisation, Fabien Flora. Et la semaine prochaine, on reste à New York avec celle qui a lancé la mode des comédies musicales circassiennes et reçu un Tony Award pour cela, la metteuse en scène Diane Paulus. Elle a créé cette saison une comédie musicale intitulée Waitress, qui est nommée parmi les meilleures comédies musicales de l'année au Tony Award. On découvrira eh bien, sa vue, sa vision de la comédie musicale. Durant une heure, on l'a rencontrée chez elle, à New York. Très bon dimanche avec nous sur France Musique. Rideau.